je me verrais trop. Je peux compter sur le bêta. J'ai trié les vrais, les faux. J'avance et je vois pas qu'il m'arrive. J'ai compté les liasses avant, je t'aurais fait pour la voir. Qui remplira tes narines, je vais lui payer son auto. Il tartinera tout l'été. VA c'est comme le croc. Faut qu'on finisse rester. Et moi je me verrais trop. Je peux compter sur le bêta. J'ai trié les vrais, les faux. J'avance et je vois pas qu'il m'arrive. Compter les liasses avant, je t'aurais fait pour la voir. Qui remplira tes narines, je vais lui payer son auto. Tartinera tout l'été. Raya c'est comme Bimo. Faut qu'on finisse rester. De cornes sur la tête comme taureau, balle dans la tête comme tiro. Elle donne son cul dans le tarot, tout est noir comme un Rio. Vodka sec sans sirop, j'calcule même pas l'addition. Y'a même pas deux heures, j'étais au charbon, j'ai caché le sac dans le buisson. Les feuilles de com dans la poche droite, la palette d'oseille dans la poche gauche. Le 3-5-7 dans la sarcoche, ne t'approche pas, j'me dépasse tous. Ils font les anciens mais c'est des fatigués, on va les calmer juste en parlant. C'était Harlem, elle a divorcé, mon frère on la baisse dans les parloirs. Assez parlé, mets-la dans le cul et fais-la passer. Ça va passer, c'est de l'héroïne ou c'est de l'assez. Y'a pas de pardon, que des fous furieux qui ont pris de peine à deux chiffres. Appelle-moi ton père, ta mère, la prison c'est la chaîne qui pourrait rien, ça t'en déçu. Des fois je me verrais trop, je peux compter sur le bêta. J'ai trié les vrais, les faux. J'avance et je vois pas ce qui m'arrive. J'ai compté les liasses, avant je t'aurais fait pour la voir. Qui remplira tes narines, je vais lui payer son auto. Il tartinera tout l'été. Léa c'est comme le croc, faut qu'on finisse rester. Et moi je me verrais trop, je peux compter sur le bêta. J'ai trié les vrais, les faux. J'avance et je vois pas ce qui m'arrive. Compter les liasses, avant je t'aurais fait pour la voir. Qui remplira tes narines, je vais lui payer son auto. Tartinera tout l'été. Raya c'est comme Bimo. Faut qu'on finisse rester. Mon cœur se perd dans cette merde. La mort en sponsor. Toi t'es mon frère ou mon adversaire. Faut le truc quand on sort. Vu que pour un rien tu finis par terre. Les vrais vaillants ils se renvoient à l'ascenseur. On se connaît à moi ensemble. Y'a 600 cas je suis faire. J'ai 1000 neveux sur Yamaha. Deuxième mon sang là t'es libéré. Ils savent tout ce qu'à se rend, ça plaisante pas. J'ai prié Dieu pendant le délibéré. Je ressors de ça, je prends de l'ébarras. J'ai coffé et ça, je me bats comme un anglais. Si demain je détête, tu l'es comme à la casse. Et si demain t'essayes, aucun nous deux va dormir. Je bois, je vais pas vomir, si t'es mort, j'ai le sourire. Et des fois, je me donne. J'ai compté les liasses, avant je t'aurais fait pour la voir. Qui remplira tes narines, je vais lui payer son auto. Il tartinera tout l'été. VA c'est comme le croc, faut qu'on finisse rester. Et moi je me verrais trop, je peux compter sur le Beretta. J'ai trié les vrais, les faux. J'avance et je vois pas ce qui m'arrive. Compter les liasses, avant je t'aurais fait pour la voir. Qui remplira tes narines, je vais lui payer son auto. Il tartinera tout l'été. Raya c'est comme Bimo, faut qu'on finisse rester.